fatigué. J'ai pas dormi un clin. J'suis tellement fatigué. Mon esprit est sur un clin. J'me demande si j'devrais me lever et me faire un breuvage. Oh non, non, non. Je sais pas quoi faire, j'suis tellement fatigué. Mon esprit est fixé sur toi. Je me demande si je devrais t'appeler, mais je sais ce qu'il te ferait. Ah ouais, ouais. As-tu dit que je te mets là, mais c'est pas une joke. Ça me fait des acides bobos. C'est que je fais pas de dos. Je peux pas arrêter mon cerveau. Tu sais, ça fait 3 semaines que je vais pour quelqu'un. Je te donnerai tout ce que j'ai pour une petite peu d'esprit. Je te donnerai tout ce que j'ai pour une petite peu d'esprit. Je suis tellement fatigué. Je me sens un petit peu fâché. Et même si je suis tellement fatigué, je vais boire une autre cigarette. Et sacré après Sir Walter Raleigh. Il est tellement stupide d'obtenir. C'est un crisp. C'est un genre de. Mauvaise idée. Tu dis que tu me mets quelque part là-dessus, mais c'est pas une joke. Ça me fait des bobos. Tu sais que je peux pas dormir. Je peux pas arrêter mon cerveau. Ça fait maintenant 3 semaines que je vais complètement foutu. Je donnerai tout ce que j'ai pour une petite peu de paix d'esprit.